L'évaluation avec comme fil conducteur le fait de dire que cette évaluation est vraiment au cœur du modèle de la gestion des ressources humaines. Donc s'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas d'outil d'évaluation, il n'y a pas de GRH. La difficulté, c'est qu'il peut y avoir cet outil qui est présent, ce dispositif qui est présent, mais qu'il n'a finalement aucun impact sur le fonctionnement de l'organisation. Et donc, si cet outil est présent, mais qu'il n'a pas d'impact, à mon avis, il n'y a pas de GRH non plus. D'accord ? Donc, le modèle de la GRH est là lorsque l'outil d'évaluation est présent et qu'il renvoie un certain nombre de conséquences fortes, à la fois pour l'individu, mais aussi par rapport à la gestion, donc c'est-à-dire d'un point de vue plus collectif, à la gestion de l'organisation. Et si je me souviens bien, on avait parcouru un formulaire d'évaluation. Donc on avait vu que ici, en l'occurrence, tout ça peut être adapté en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Donc ici, le document que je vous montre se structure autour d'un premier point qui est l'évaluation de performance. Et on a vu ce qui était pris en compte lorsque l'évaluation de performance était évaluée. Et puis, la deuxième partie du questionnaire renvoie à l'évaluation des compétences, capacités potentielles. On a vu que, in fine, ce qui était en jeu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des compétences, avec une évaluation qui doit se faire sur une échelle comprenant 5 niveaux. C'est correct? Et je ne sais pas si on a vu ça, je pense qu'on s'était arrêté là. Est-ce que j'ai attiré votre attention sur cette case? Oui, ça va, d'accord. Et qu'est-ce que j'en ai dit? Vous êtes la seule sur qui ça semble avoir un effet. D'un pourcentage. Donc on réintroduit l'idée d'un pourcentage de quota de notes. Ce qui peut être interprété comme une forme de violence finalement par rapport à l'idée de la compétition, c'est de dire que quand on est dans un espace de compétition, eh bien ce qu'on fait c'est finalement récompenser l'ensemble des bons compétiteurs, qu'ils soient en dessous de la barre des 5% ou qu'il y en ait plus que 5%. J'ai attiré votre attention sur le fait que c'était un impact par rapport à l'enveloppe salariale et que, en principe, ça s'arrêtait là, c'était tel que c'était formulé dans le document. Donc la troisième partie du document porte sur l'idée de carrière, de développement de carrière. Il commence par reprendre les responsabilités permanentes. Donc, quelles sont les responsabilités permanentes qui sont attribuées à la personne sur qui va porter ce formulaire? Voilà. Alors, ici, donc on tourne la page et ce qui est important de préciser, c'est que on aborde la question de la carrière en partant des souhaits de l'intéressé. Et donc, intérêt de carrière dans la fonction actuelle ou dans une autre fonction, en partant des souhaits de l'intéressé. Donc, vous êtes gestionnaire culturel, vous avez peut-être envie d'avoir une autre fonction, de couper une autre fonction. Et bien, l'idée ici, c'est que dans un document, vos souhaits sont actés. Est-ce que vous avez envie d'évoluer ou pas? Quelles sont les évolutions que vous avez envie de connaître? Quelles sont les évolutions qui seraient en quelque sorte des motivations? Je pense que le terme de motivation est très important par rapport à ce processus de donner la parole à l'intéressé. Les souhaits intéressés sont accompagnés de l'avis de son responsable hiérarchique, donc de son manager. Et le document prend également en compte les souhaits en termes de mobilité géographique. On est ici dans une grande multinationale qui est active dans partout, si vous voulez, au niveau mondial, mais aussi bien en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Donc, les possibilités de mobilité sont importantes et on s'intéresse aux souhaits qu'a l'individu. Voilà, si cet individu est ici à Bruxelles et que ses activités se développent dans le cadre de la filiale Benelux de ce groupe, peut-être qu'il a envie de poursuivre sa carrière au Japon, ou de poursuivre sa carrière au Mexique. Et donc ce document permet de prendre en compte les souhaits de l'intéressé. Alors, j'attire votre attention ici sur la dimension internationale de cette entreprise, mais la mobilité géographique est très importante aussi par rapport à des entreprises qui sont présentes en Belgique. La Poste, par exemple, ou une grande banque, offre des possibilités de mobilité géographique qui sont importantes à la fois pour l'organisation et aussi bien sûr pour les individus, puisque la mobilité quotidienne devient quand même un souci très important dans nos sociétés. Les souhaits de l'intéressé sont accompagnés de l'avis du responsable hiérarchique. Et puis, le dernier tiers du document de cette page porte sur les moyens à mettre en œuvre. Donc, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement avec des actions à entreprendre et des possibilités de suivre des formations, des possibilités de participer à des séminaires. Donc, je pense que le processus est important à relever. On donne la parole à l'intéressé. On demande au responsable hiérarchique de formuler un avis par rapport aux souhaits émis par l'intéressé. Et puis, dans le dernier tiers, la question, c'est celle des moyens à mettre en œuvre. Donc, il y a cette idée de soutien par rapport aux souhaits de l'intéressé qui sont présents. Et on arrive à la dernière page du formulaire. Donc, la partie supérieure revient sur les capacités et le potentiel, dans le sens où ce qui est demandé, c'est de faire ressortir les points forts particuliers qui ont été décelés chez l'intéressé suite à l'évaluation des capacités et du potentiel, voire page 3, capacité et potentiel, pour rappel, on l'a traduit par compétence. Tous les points évalués comme étant améliorés ou nettement insuffisants, eh bien, le document demande de mettre en évidence des domaines d'amélioration requises. Quelles sont les actions suggérées à l'intéressé? et les actions prises par le responsable hiérarchique. Donc on voit à nouveau cette logique de soutien qui est derrière l'évaluation et l'évaluation, si vous voulez, problématique de certaines compétences. Ajoutez tout commentaire qui serait susceptible, à votre avis, d'assister l'intéressé dans son développement professionnel. Et puis, le document se termine par les signatures. Donc, les signatures de l'intéressé, de la personne qui a été évaluée. Ce qui est important à relever, c'est que le fait de signer, ici, renvoie au fait que l'intéressé a pris connaissance de son évaluation. Donc, c'est le souci, si vous voulez, de transparence qui fait. La signature acte le fait que l'évalué a pris connaissance de son évaluation. Ça ne veut pas dire qu'il accepte son évaluation. Pour le dire autrement, même si je signe ce document, je peux toujours introduire un recours par rapport à l'évaluation. Alors là, c'était les règles du jeu qui étaient à l'œuvre dans cette entreprise-là. Il faudrait voir, si vous êtes à l'œuvre dans une entreprise, quelles sont les règles du jeu en matière de signature et en matière de recours. Et puis, on a la signature de l'évaluateur, donc du responsable hiérarchique premier niveau. On a la signature du responsable ou du responsable, donc qui est plus, si vous voulez, gardien de la procédure. Et lorsque l'ensemble du questionnaire est rempli, que les trois premières signatures ont été apposées, le document est envoyé au service du personnel. Ce document va être mis dans le dossier de l'intéressé, donc au niveau du service du personnel, et le service du personnel va en tirer des conséquences sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Les conséquences sur le plan individuel, c'est si vous êtes exceptionnel, comment ça va se traduire sur votre rémunération. Conséquences individuelles, si vous êtes nettement insuffisant, comment ça va se traduire sur le plan de votre évolution professionnelle. Donc, c'est le département des ressources humaines qui va gérer les conséquences individuelles de l'évaluation. C'est aussi lui qui va en quelque sorte globaliser les évaluations pour en tirer des conséquences en termes de politique. Quelles sont les politiques à mettre à l'œuvre, comment faire évoluer les politiques en fonction des informations qui ont été récoltées à travers l'évaluation individuelle des performances et des coûts. Donc on voit bien l'enjeu très important, à la fois pour l'individu, puisque ce document permet d'obtenir ou d'avoir toute une série d'informations concernant le collaborateur pris individuellement. On voit aussi l'importance de ce document d'un point de vue collectif, dans le sens où, sur base de toutes les évaluations, eh bien, je peux tirer des conséquences par rapport aux politiques que je mène et adapter ces politiques aux nécessités qui sont détectées via l'évaluation. Donc voilà pour le document. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Ça vous paraît clair en termes de voilà, ce que c'est, des enjeux que ça représente, la manière dont ça fonctionne. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de poursuivre encore un peu sur cette question de l'évaluation. En mettant l'accent sur finalement les faibles contributeurs. Donc les faibles contributeurs, on peut dire que c'est les insuffisants, les améliorés. Et donc ici, ce que j'ai repris, c'est en fait un document qui a été créé par le service du personnel d'une grande multinationale anglo-saxonne. Et la philosophie de ce document, c'est d'être un outil qui permet à l'évaluateur de mieux discerner quels sont les faibles contributeurs. Alors, vous voyez que ce document est très, très basique et très pragmatique. Alors, parfois, on est dans le monde de la gestion, il y a une dose importante de pragmatisme qui domine les réflexions et le fonctionnement. Et donc, ici, repérer un faible contributeur, c'est répondre négativement aux questions qui suivent. Embaucheriez-vous ce collaborateur aujourd'hui? Est-ce que vous décideriez d'employer ce collaborateur si vous étiez patron d'une PME? Donc, ce qui est intéressant, souvent dans ces documents, c'est qu'on considère le manager, le cadre, comme étant en quelque sorte le patron de sa propre entreprise. Donc, on lui demande, alors qu'il est dans un lien de subordination, qu'il est payé, rétribué par l'organisation, on lui demande de réfléchir comme si il gérait sa propre entreprise. Donc comme s'il était en quelque sorte une sorte de patron, une sorte d'auto-entrepreneur. Voilà, est-ce que ce collaborateur pourra faire face à l'évolution de l'entreprise, etc. Je n'ai pris qu'une série de questions, je n'ai pas repris le document dans son entièreté. Ici, on procède différemment, une réponse oui, êtes-vous obligé de faire attention aux tâches que vous confiez au collaborateur? Le collaborateur prend-il beaucoup de votre temps? S'il prend beaucoup de votre temps, c'est que finalement c'est plus une charge qu'autre chose. Est-ce que ce collaborateur se justifie ou cherche des excuses en cas de problème? Donc comment, lorsque vous détectez un problème et que vous ne faites pas de ce problème vos collaborateurs qui travaillent avec vous, comment réagit-il? Est-ce qu'il accepte ou pas? Éventuellement, est-ce qu'il va se plaindre ou pas? Comment il accepte le fait qu'on lui communique des choses qui sont plutôt négatives, qu'on mette l'accent sur ses problèmes plutôt que sur les réussites? Et ce document poursuit en disant qu'une fois que ces faibles contributeurs ont été identifiés, eh bien, le manager, le responsable hiérarchique, doit assumer ses responsabilités. Et assumer ses responsabilités, c'est identifier le problème avec le collaborateur, déterminer si un facteur extérieur influe le résultat. On pourrait imaginer un divorce, une séparation, un problème humain fort lié à la vie privée. On peut aussi imaginer des problèmes liés au contexte économique, au retournement de la conjoncture. Un produit qui marche moins bien ou un service qui marche moins bien que ce qui était anticipé. Décider d'un plan d'action avec calendrier. Donc selon la gravité et la pérennité pour retirer S un problème. Initier un entretien intermédiaire, donc plutôt que d'attendre l'entretien annuel, eh bien on va initier un entretien intermédiaire pour faire part des résultats insuffisants ou des comportements professionnels inadéquats. Donc vous voyez, ici, ces slides viennent compléter les slides de présentation du formulaire qu'on commande. Ces derniers slides renvoient plus, je pense, à des questions de philosophie, renvoient plus à la manière dont on peut, dont l'entreprise peut se positionner par rapport à l'évaluation. Alors vous voyez d'où provient ce document. Si vous faites une lecture attentive de la grille d'évaluation que j'ai projetée, vous verrez aussi d'où provient ce document. Puisque un des rôles du manager, c'est de discuter des alternatives à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation de la multinationale dont il est question. Alors, il faut savoir que cette entreprise-là, à un certain moment, elle a été, inquiétée, c'est peut-être un peu un terme fort, c'est peut-être un peu exagéré, mais elle a été mise sur la sellette parce qu'elle a été accusée de maquiller des licenciements collectifs en une addition de licenciements individuels. Donc, en Belgique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Belgique, il existe une procédure pour gérer les licenciements collectifs. Et quand je dis qu'il existe une procédure pour gérer les licenciements collectifs, il existe aussi une définition de ce qu'est un licenciement collectif. Alors, un des points qui est souvent problématique, c'est la négociation d'un plan social. Quand je fais un licenciement collectif, dans une grande boîte, dans une grande multinationale, dans une grande société, ça implique que l'on négocie avec l'acteur syndical un plan social, donc un plan qui accompagne les départs ou qui accompagne la fermeture d'un site. Et donc, l'enjeu pour les travailleurs et l'enjeu pour les organisations syndicales, c'est de faire payer le plus cher possible à l'entreprise qui se restructure, à l'entreprise qui licencie. Donc un plan social a un coût très important pour l'entreprise. Il a un coût très important pour l'entreprise, il implique aussi de négocier avec l'acteur syndical. Et donc, si je reviens sur IBM, à un certain moment, on a accusé IBM de maquiller un licenciement collectif sous forme d'une addition de licenciement individuel. Donc je ne déclare pas de licenciement collectif. Par contre, j'ai des sureffectifs et je vais utiliser la procédure d'évaluation pour déterminer quelles sont les personnes que je vais licencier. Si je licencie cette personne, ce seront des licenciements individuels. Donc, c'est des licenciements qui seront négociés, si vous voulez, entre la direction et la personne qui sera licenciée. Donc, il n'y a pas d'acteur syndical, en principe. Donc, le licenciement individuel permet, dans ce cas-là, d'éviter la présence de l'acteur syndical, d'une part. D'autre part, l'addition de licenciement individuel évite de devoir débourser une somme importante à travers un plan de licenciement collectif, à travers un plan social. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Eh bien, c'est une injonction qui aurait été donnée par le siège social d'IBM. Donc une injonction qui aurait été donnée par le siège social d'IBM à un certain nombre de ses filiales en disant qu'elle devait identifier un pourcentage de faible contributeur. Donc, il y avait un quota, si vous voulez, de faible contributeur qui avait été précisé par le siège social. Et donc, à travers ce quota, l'idée était bien de procéder à un nombre X de licenciements individuels, ce qui pouvait correspondre, en fait, par rapport au cadre légal belge, à un licenciement collectif. Elle a été soupçonnée. L'IBM a été soupçonnée de faire ça. Le problème, c'est que à un certain moment, ça a fait la une des journaux, ça a entraîné beaucoup de réactions. Je pense qu'à l'époque, c'était une ministre socialiste qui était ministre de l'Emploi et du Travail, et qu'elle a fait des déclarations très fracassantes en disant que ça ne se passerait pas comme ça. Et puis, l'un dans l'autre, ce dossier s'est un peu perdu dans les méandres de l'administration. Et puis, il faut trouver des preuves. Quelles sont les preuves qui peuvent être avancées? On a parlé à un certain moment d'un fax qui avait été envoyé du siège social. Ce fax n'a jamais été retrouvé. Mais il y a là quelque chose d'important que je voulais souligner, c'est cette tension qui peut exister entre le licenciement individuel par rapport au licenciement collectif et le fait qu'en Belgique, il existe un cadre réglementaire qui définit à la fois ce qu'est un licenciement collectif et les procédures à suivre en matière de licenciement collectif. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à vos faibles contributeurs, à IBM. Alors, la dernière partie de l'exposé concernant l'évaluation, c'est un cas. Donc, c'est une réflexion que je vous propose à travers une observation qu'on a réalisée avec des étudiants. Et donc, je vais vous mettre la situation en contexte. Donc, c'est un organisme parapublic belge. Et à un certain moment, cet organisme est décrit comme étant excessivement peu performant. Donc, cet organisme est décrit comme consommant énormément de ressources pour des résultats qui sont très faibles. Donc, il y a en quelque sorte des sonnettes d'alarme, si vous voulez, qui s'agit, en pointant les dysfonctionnements présents à l'œuvre dans cet organisme. Et la direction de l'organisme est consciente de ces problèmes, ou elle devient consciente de ces problèmes. Et donc, à partir de ce moment-là, souvent le premier réflexe, c'est d'essayer d'objectiver la situation. J'ai l'impression qu'on n'est pas très performant. Il y a toute une série d'informations qui me font croire qu'il y a des dysfonctionnements qui sont à l'œuvre dans l'organisation. Mais mon souci en tant que gestionnaire, c'est d'abord et avant tout d'objectiver la situation. Dans quelle mesure les rumeurs renvoient à des faits qui sont des faits réels. Et donc, dans le monde de la gestion, quand on parle d'objectiver la situation, eh bien, on le fait à travers le recours à des audits. Donc, le terme audit est un terme important. Et ici, on va dire que c'est un audit de la situation, donc c'est une photographie de la situation. Et qui peut réaliser cet audit? Il y a deux grandes possibilités. Soit on a les ressources en interne pour le faire, et l'audit sera fait par du personnel de l'organisation, soit on n'a pas les ressources internes pour le faire, et que l'on veut sans doute une légitimité plus forte à l'audit. Et donc si on n'a pas les ressources et ou que l'on recherche une légitimité plus forte, eh bien on va faire appel à des sociétés spécialisées. On va faire appel à des sociétés spécialisées dans les audits d'organisation. Et c'est ce que mon entreprise, Water, a fait. Donc la direction générale a fait appel à un consultant externe pour objectiver la situation. Et comment fait-on pour objectiver la situation? Eh bien, d'un point de vue méthodologique, on va souvent faire appel à des indicateurs. Il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, je vais simplifier un peu. On va construire des indicateurs. Des indicateurs qui permettent de voir, de mesurer l'état ou le niveau de performance de l'entreprise. Alors, voilà, je veux dire, dans le domaine de la gestion du personnel, des indicateurs classiques, c'est par exemple le taux d'absentéisme. C'est un indicateur classique. Le turnover, donc le turnover, tel que j'en parle ici, c'est le pourcentage de personnes qui va quitter l'entreprise. Pourcentage de personnes qui quittent l'entreprise par rapport à l'effectif total durant l'année écoulée. Mais je reviendrai sur des indicateurs de performance en matière de gestion. Mais ici, ces deux exemples que je vous donne, voilà le taux d'absentéisme et le turnover. Alors, si je vous dis que le taux d'absentéisme est de 5%, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça ne vous dit pas? Est-ce que 5% c'est beaucoup ou pas beaucoup? Comment interpréter ces 5%? Et donc, l'interprétation implique de pouvoir comparer. Et en l'occurrence, j'ai deux grandes possibilités en termes de comparaison. La première possibilité, c'est l'évolution. Comment a évolué le taux d'absentéisme ces trois dernières années, ces quatre dernières années. Donc je dis qu'aujourd'hui c'est 5%, mais l'année passée, est-ce que c'était 3%, 5%, 7%? Donc autrement dit, est-ce que la courbe est une courbe ascendante? Donc ascendante, est-ce que c'est une courbe descendante? Est-ce que ça stagne? Et donc, la mise en perspective, je veux dire historique, est quelque chose de très important pour donner du sens à l'indicateur que l'on a. Donc, la chronologie, la série. C'est une première mise en perspective qui est importante. Et la deuxième mise en perspective qui est utilisée, c'est de se comparer aux autres. Quel est le taux d'absentéisme dans des organisations qui sont plus ou moins comparables à la mienne? J'insiste sur le plus ou moins comparable à la mienne. Il faut que les situations soient comparables pour que l'on puisse en tirer un certain nombre d'informations. Ici, mon entreprise, c'est une entreprise qui relève en gros du secteur public. Eh bien, je vais aller chercher des statistiques portant sur le taux d'absentéisme dans le secteur public. Et on sait bien que le taux d'absentéisme dans le secteur public n'est pas identique au taux d'absentéisme dans le secteur privé. Et donc, si je suis une entreprise publique, je ne vais pas me comparer à une entreprise du secteur privé. y a tout un travail d'objectivation qui est fait. Un travail rigoureux d'objectivation de la situation qui est faite. Et ce qui ressort de cet audit, c'est que, de fait, Water est une entreprise très très peu performante. Donc elle est en queue de peloton. Elle est en queue de peloton. Elle consomme énormément de ressources pour des résultats qui sont faibles. Et ce que dit l'audit, c'est que si on s'intéresse aux causes de cette situation, eh bien, une partie importante de ces causes proviennent du domaine de, ou renvoie, si vous voulez, au personnel, renvoie à la manière dont les gens sont occupés, dont les gens travaillent. Donc, il y a une confirmation, si vous voulez, de ce qui était colporté, ça va mal. Pourquoi ça va mal? Eh bien, ça va mal en grande partie parce qu'il y a des dysfonctionnements dans la sphère du personnel. Et cet audit et les constatations de cet audit ont été discutées au niveau de l'organisation, dans le comité de direction, avec les organisations syndicales, etc. Et il a été décidé de mettre en place un nouveau statut du personnel. Et, dit ce nouveau statut, l'enjeu, c'est de développer une nouvelle culture. Une nouvelle culture au niveau de l'entreprise, à travers une gestion beaucoup plus dynamique du facteur humain. Donc une gestion plus dynamique du personnel. Et comment avoir une gestion plus dynamique du personnel? Eh bien, c'est en introduisant l'évaluation des performances et des compétences. Donc, ce qui est fait en 1999, dans cette organisation où ça va mal, eh bien, on va introduire l'évaluation du personnel. Et une procédure est mise en place. Le directeur du personnel est aidé par une société spécialisée en matière d'évaluation du personnel. Donc une procédure est mise en place, des formulaires sont imprimés, sont distribués, des formations sont faites, etc. Dans la procédure qui est retenue, 4 mentions sont possibles. Excellent, bon. Donc réservé, ça veut dire que je ne peux pas vous évaluer, je ne suis pas en mesure de vous évaluer. Et insuffisant. Et l'enjeu, c'est de donner du poids à cette évaluation. Pour donner du poids, c'est-à-dire que cette évaluation va avoir des conséquences sur le plan individuel. Et j'ai repris une partie du nouveau statut qui dit que dorénavant, pour avoir une promotion, donc pour passer à un rang supérieur, eh bien, un collaborateur devra satisfaire à 3 conditions. La première condition, c'est compter une ancienneté de rang de 4 ans ou moins. Donc être dans la fonction, si vous voulez, inférieure, pendant au moins 4 ans. Si on fait un lien entre cette condition-là et les modèles en matière de gestion du personnel, cette condition, elle renvoie à quel modèle ? Qui peut dire les grands modèles dont on a parlé? Donc le modèle arbitraire, le modèle bureaucratique, Oui. Et puis on en avait vu trois autres aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Valorienne. Conventionnaliste. Et Duhal. Alors, ma question, je la repousse. Donc, on a réfléchi en quelque sorte notre mémoire à travers les six modèles de gestion du personnel dont il a été question. Alors, typiquement, cette première condition, elle renvoie à quel type de modèle, à quel type de logique ? 4 ans d'ancienneté ou moins. Donc c'est typiquement une condition bureaucratique. Et pourquoi c'est typiquement une condition bureaucratique ? Alors je pense que c'est très formel et c'est très objectif. Je pense que c'est plutôt la question de l'objectivité et de l'égalité du traitement. 4 ans, c'est, je dis ça comme ça, c'est indiscutable. Quasiment indiscutable. Deuxième condition, justifier la qualification imposée pour l'emploi à conférer. Cette condition renvoie à quel modèle ? Et quel est le constat immédiat que l'on peut faire? Quels sont les constats immédiats que l'on peut faire en voyant ce tableau? C'est pas qu'il y a plus de bonnes. Il n'y a quasiment que des bonnes et des excellentes. Je pense que si on additionne en gros, on doit être autour de 98, de 98 à 99,5%. Quels sont les autres constats que l'on peut faire? Alors, le personnel diminue, c'est important, parce qu'on passe de 580 à 490, donc c'est quand même une réduction importante du personnel. Par rapport aux excellents, et donc à la diminution des excellents, je ne suis pas persuadé que ça ait vraiment, que ce soit vraiment très important à relever. Donc moi, ce qui me paraît important à relever, c'est d'une part le pourcentage d'excellents du bon, d'autre part le pourcentage excessivement faible de réservés et d'insuffisants, et la troisième observation, c'est un effectif qui décroît. Est-ce que, par rapport à la situation que je vous ai décrite, est-ce que ces résultats vous paraissent normaux? Poser la question différemment, c'est une question de normalité ou d'anormalité, mais est-ce que par rapport à la situation que vous avez décrite, est-ce que ces résultats ne posent pas un certain nombre de questions, est-ce que ne soumettent pas un certain nombre de remarques? Et ce que nous dit la littérature, c'est que des gens qui ont été socialisés à travers, donc socialiser, c'est-à-dire que socialiser, c'est acquérir des manières de faire, des manières de penser liées à votre lieu de travail, ou socialisation professionnelle, acquérir les us et coutumes qui sont à l'œuvre dans votre lieu de travail. Ce que nous dit la littérature, c'est que les managers publics qui ont été socialisés du temps de la splendeur du modèle bureaucratique, éprouvent d'énormes difficultés à évaluer. Donc, l'évaluation ne fait pas partie, si vous voulez, de leur culture. Et en plus, ils ont parfois un discours très critique par rapport à cet outil-là. Un discours encore plus critique par rapport aux outils de gestion qui proviennent du privé. Donc, on peut dire qu'il y a une forme de rejet de l'évaluation liée à la culture, à l'œuvre dans l'organisation. D'autres hypothèses ? Alors, j'en formule deux. Elles valent ce qu'elles valent, mais on pourrait dire que le fait de ne pas mettre des insuffisants, c'est une manière pour les managers aussi de se couvrir. Donc, ne pas mettre des insuffisants, c'est une manière de se couvrir à la fois par rapport aux supérieurs hiérarchiques et aussi par rapport aux collaborateurs. Donc, ne pas mettre d'insuffisance, c'est une protection, en quelque sorte, par rapport aux responsables hiérarchiques et aux collaborateurs. Si je ne mets pas d'insuffisant, je m'attends à ce qu'on ne me juge pas de manière insuffisante. Donc, quelque part, l'idée ici, c'est que tacitement, personne ne va mettre insuffisant. Si je ne mets pas d'insuffisant, je m'attends à ce qu'on ne me pointe pas comme étant insuffisant. Donc, c'est en ça que je dis que c'est un mécanisme de protection. Protection par rapport aux responsables hiérarchiques, protection aussi par rapport aux collaborateurs. Si je commence à mettre des insuffisants, comment ça va se traduire dans mon service ? Les collaborateurs ne sont pas des gens qui sont dépourvus en capacité d'influence. Moi, j'ai connu des responsables hiérarchiques qui disaient qu'à certaines périodes de leur vie, ils avaient parfois du mal à sortir de leur bureau tellement le climat était hostile à leur égard. Vous rentrez dans un ascenseur, personne ne vous dit bonjour, on vous dit bonjour de manière tellement peu sympathique que vous avez compris. Donc, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas toute cette richesse au niveau des dimensions humaines. Donc, ce qui me paraît important à souligner, c'est que l'équipe a aussi des ressources en pouvoir qu'elle peut utiliser par rapport à l'évaluateur, par rapport au manager. Et donc, je vais peut-être réfléchir à la situation qui me permet, en tant qu'évaluateur, de tirer au mieux mon épingle du jeu. Si je vous dis que vous êtes tous beaux, magnifiques, je pense que je n'aurai jamais de problème avec vous. C'est un peu ça. Troisième hypothèse, peut-être que les gens qui étaient problématiques ont quitté l'entreprise à travers la réduction des effectifs. Mais j'y crois pas beaucoup. Mais voilà, si on est à réfléchir aux hypothèses, c'est peut-être une hypothèse un peu. Alors, si on revient sur les trois conditions, que dit finalement le résultat de ce tableau ? Je remonte au slide précédent. Donc, vous avez en tête ce que dit ce tableau. Je reprojette le slide avec mes trois conditions. Quelle est la réalité des choses dans cette organisation ? quelles sont les conditions qui ont véritablement un impact sur la promotion? Je propose de faire un petit break de 10 minutes.